C'est la vie, la vie, la vie. Un gros merci à mes amis. C'est quoi des amis? Les amis, c'est juste une vie, une fille, un gars, une si, un ça. Oublie pas, ça va mal en esti. En six gars, c'est la vie, faut qu'on bat. Des fusils, des gros gars, des belles filles, des gros bras. Fuck esti, j'comprends pas. J'ai Andy, mon chum de gars, Johnny V, c'est sûr, t'es là. Hey yo, mais c'est Christine. Ma mère, mon frère, mon père, joue t'aime en esti. Oublie pas, j'donnerai ma vie, fuck tout ça. Hey là, c'est ça, c'est comme ça. Fuck le E, fuck le speed, fuck le weed, fuck les filles, fuck la vie, fuck Cindy, fuck Esti, c'est famille, yo merci, yo Wendy, yo Messi, Johnny V, yo merci, yo Wendy, yo Messi, Johnny V, fuck le E, fuck le speed, fuck le weed, fuck les filles, fuck la vie, fuck Cindy, fuck Esti, c'est famille, yo merci, yo Wendy, yo Messi, Johnny V, yo merci, yo Wendy, yo Messi, Johnny V. Y'a rien que je comprends, ça marche pas, c'est comme ça. Tu perds tout, est-ce que t'as quand même que tu veux pas? Un jour ça sent pas, t'as peut-être des gros bras, des larmes si t'en as. Ma soeur Pamela, mon frère, ma mère, mon père qui est plus là. Je donnerais ma vie pour tout ça. Mon chum Michon qui est toujours là quand ça va pas. On s'entraîne à Nostie, on fait le meilleur de notre vie. On dit ben des conneries, on tape toutes les fafis. J'te cueillerai à Nostie. Fuck le E, fuck le speed, fuck le weed, fuck les filles, fuck la vie, fuck Cindy, fuck Esti, c'est famille, yo merci, yo Wendy, yo Messi, Johnny V, yo merci, yo Wendy, yo Messi, Johnny V. Fuck le E, fuck le speed, fuck le weed, fuck les filles, fuck la vie, fuck Cindy, fuck Esti, c'est famille, yo merci, yo Wendy, yo Messi, Johnny V, yo merci, yo Wendy, yo Messi, Johnny V. Hey yo, j'vis ma vie. And I just want you to know que c'est fucking honesty. When you grow up all alone, tout le monde parti. I've grown, oublie, j'ai changé, choisi. Unknown, aussi, à ce vieillis. Puis j'pleure pour chaque connerie. I see something is evil in me. C'est quoi, t'sais-tu la drogue que j'ai pris? What the fuck's up? Toutes les choses m'ont suivi. À ce temps j'prie, man j'crie. I finally see, j'ai grandi. I'm free, j'ai plus de soucis. Des bons chummies, mes amis. Jumpy Gandhi, yeah. Three, Christina OC, I love you baby. Together forever and ever, and that's what it's gonna be. Forever and ever, I love you baby. Fuck the E, fuck the speed, fuck the weed, fuck les filles, fuck la vie, fuck Cindy, fuck Esti, c'est famille, yo merci, yo Wendy, yo Messi, Johnny V, yo merci, yo Wendy, yo Messi, Johnny V. Fuck the E, fuck the speed, fuck the weed, fuck les filles, fuck la vie, fuck Cindy, fuck Esti, c'est famille, yo merci, yo Wendy, yo Messi, Johnny V, yo merci, yo Wendy, yo Messi, Johnny V.